Thank you. La Splendes ut Solis Ladium. Xaudis de la Xaudi Popolo. Aller vers l'étoile. Quelle est notre étoile? Cherche encore. Bye. la splendès. failli. Si a failli. Si a failli. Si a failli. Somma, somma, somma. Si a failli. Car non, le tout n'est pas égal à la somme des parties. Différent. Probably not. Possible, possible. Ow. Ow. Ow. With you, my friend. Because we are about to make noise, about to make sound, about to share it. Thank you. Very good session. What a pleasure. Making noise. Thank you. Trouver une gentille session transmise en émotion. Salon. Comme s'ils n'étaient pas invités. comporte bizarrement. Il me regarde, il me scrute. Comment ça se fait qu'il se transforme plus vite que moi? Je suis pas d'accord. Moi, je veux me transformer plus vite que les autres. Je suis pas d'accord. Continue. Devant l'évidence de la catastrophe, on chante encore, on danse encore, on chante encore, on danse encore. Car devant nous, l'évidence de la catastrophe. Alors, on aime encore, on plante encore, on touche encore, on fait de la musique encore. Fleur. sortir de l'hiver. Que nous sommes légion. Si on arrête nos petites lâchetés, cumuler devrait s'en sortir. À force d'accumuler les petites lâchetés, on laisse trop de pouvoir à ceux qui n'en ont pas. On n'en donne pas assez à ceux qui n'en ont pas. Human behavior. Il y a pas de meilleur comme du pire. Un truc de fou, un truc de dingue. Dans une histoire de dingue, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait là? Va falloir agir, sortir les doigts comme on fait maintenant en faisant de la musique. C'est exactement ça. Thank you. notre fin. Blanchi comme un enfant. Mais non, on remet pas les compteurs à zéro. Ça n'existe pas. Les humains, n'oublie pas. Remettre pas les compteurs à zéro. Non, je crois pas. À la limite, on peut comprendre. Essayez de comprendre. Juste essayez de comprendre. Souvent, on n'y arrive pas. C'est par les vagues. Thank you. soif de volonté. C'est pas une illusion. Encore une illusion. Soif d'y croire. Soif d'y croire encore. Évacuer la zone dangereuse.